Bonjour, je voudrais du Stroclémina perastodontalin. Du Stroclémina perastodontalin evatitroglycerumissux ou du bleu ? Bleu ? La santé, c'est compliqué. Découvrez Alan, l'assurance santé 100% digitale qui fait simple et vous rembourse en 72 heures seulement. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Je crois au fond que les Américains et les Français se ressemblent beaucoup. En mars 1960, en conclusion d'une série d'entretiens accordés à Hélène Tourner, Jean Renoir résumait l'impression qu'il gardait de la dizaine d'années au cours de laquelle il vécut aux États-Unis entre 1941 et le début des années 50. Conteur généreux et truculent, le cinéaste nous plongeait dans l'univers de ceux croisés alors sur sa route, célèbres ou non, et dont il croquait le portrait avec gourmandise. Une émission diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 26 juin 1960. Voyage et rencontre de Jean Renoir. Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tourner. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Jean Renoir, après nous avoir décrit votre départ de la France en 1940, votre voyage avec votre femme Dido, avec Saint-Exupéry, votre accueil à New York par Flaherty, votre voyage à Washington, votre installation à Los Angeles, après nous avoir décrit la Géorgie, la vallée de Saint-Joachim, vous nous aviez laissé sur l'histoire des vignerons français de Californie. Oui, eh bien écoutez, cette histoire, en réalité, n'est pas une histoire. C'est plutôt la constatation d'un immense effort et d'une immense patience. Les vignerons français de Californie ont dû passer par des temps très difficiles lorsque la prohibition a été votée en Amérique. Ils ont été sauvés d'ailleurs par les catholiques. N'est-ce pas ? Ils continuaient à fabriquer du vin, bien peu évidemment, mais enfin le plus qu'ils pouvaient, en disant que c'était pour la messe, n'est-ce pas ? Et en réalité, mon Dieu, sous le couvert du manteau, n'est-ce pas ? Eh bien, tout de même, beaucoup de gens continuent à boire du vin. Sous le couvert de la chasuble. Sous le couvert, exactement. Mais vous ne m'aviez pas parlé d'un monsieur de Dijon établi en Californie ? Ah oui, oui, oui, bien sûr. Oui, c'était un personnage extraordinaire. Monsieur Barbier. Oui, il était parti de Dijon avant d'avoir réalisé son rêve, qui était de connaître Paris et les grands boulevards. Il rêvait de Paris, des grands cafés, des théâtres, des Folies Bergères, des ambassadeurs, enfin, du Paris que l'on décrivait dans les journaux de sa ville natale. Il se trouve que, ayant terminé son service militaire, sans aller à Paris, ou plutôt réformé, n'est-ce pas ? Il a été soldat pendant quelques mois, puis il a été réformé, et un beau jour, il a appris qu'il héritait d'une mine d'or en Californie. Alors il est parti pour la Californie, après avoir réalisé toute sa fortune, de façon à pouvoir exploiter cette mine d'or. Il est arrivé à Los Angeles, et il s'est aperçu là qu'il n'avait pas de mine d'or. C'était une sinistre plaisanterie, ou plutôt la mine d'or, par suite d'un tour de passe-passe, lui avait été plus ou moins volée. Alors cet homme se trouvait sans argent à Los Angeles et ne sachant que faire pour gagner sa vie. Heureusement, c'était l'époque où le cinématographe américain était extrêmement influencé par le cinématographe français. Et les gens qui faisaient du cinématographe américain, les premiers pionniers, tenait à se tenir au courant de la culture française. Je vous rappelle que ce sont des Français, par exemple, qui ont commencé les premiers films en épisode aux États-Unis. Vous savez qu'un des premiers films en épisode aux États-Unis a été « Les Mystères de New York ». Alors, « Les Mystères de New York » ont été tournés par Gasnier, qui était un metteur en scène français venu de France, très jeune d'ailleurs, presque un gamin. En France, on avait déjà tourné des films à épisodes remarquables. On avait tourné Fantomas, on avait tourné surtout Protea. Protea était joué par une jeune femme d'une grande beauté, qui d'ailleurs gardait le nom de Protea dans son métier. C'était une fille de cirque, c'était une acrobate. Mais comment Barbier s'est-il instauré professeur de français de toutes ces personnes qui étaient à Hollywood? Eh bien, à cause de l'influence de ces Français dont je vous parle, notamment de Protea, de mon ami Andriot qui était son frère, qui a été mon opérateur plus tard, etc., il y avait un goût, un désir d'apprendre le français chez les premiers grands acteurs, les premiers grands producteurs, même chez les protecteurs du cinématographe, comme le fameux monsieur Hearst. Alors, Barbier, ayant besoin de gagner sa vie, n'ayant plus de mine d'or, s'est mis à donner des leçons de français. Et ces leçons de français ont été d'autant plus populaires, ont eu d'autant plus de succès, que, en même temps que des leçons de français, il donnait des leçons de cuisine. Par exemple, il allait chez monsieur Hearst, il s'installait dans la cuisine, monsieur Hearst mettait sa troupe de cuisiniers à la disposition de Barbier, et Barbier, tout en confectionnant une sauce, expliquait les mystères du subjonctif. Si vous le permettez, Jean Renoir, je vous fais une petite surprise. La petite nièce de ce monsieur Barbier a posé pour votre père, et elle est maintenant l'épouse d'un monsieur Barbier de Dijon. Par exemple. Eh bien, je ne le savais pas. C'est une chose extraordinaire. Vraiment, le monde est tout petit. Mais monsieur Barbier, de Dijon, installé à Los Angeles, est mort sans avoir vu les boulevards? Il est mort sans avoir vu les boulevards. Et voilà, il a remédié à cette lacune de la façon suivante. Tous les jours, il sortait sur Hollywood Boulevard, vêtu comme il aurait dû être vécu 20 ans avant sur les boulevards français, sur les boulevards de Paris. Il portait un pantalon à rayures, sombre, un pardessus mastic, un chapeau melon, un parapluie sur le bras, un journal sous le bras, des gants, n'est-ce pas, à la main, et il arpentait Hollywood Boulevard comme il avait rêvé d'arpenter le boulevard des Italiens quand il était jeune. Jean Renoir, après les temps tragiques, après L'Homme du Sud, vous avez, je crois, tourné Vivre libre, dont la vedette était Charlotten. Oui. Mais il y a un film de vous qu'on n'a jamais vu en France et dont j'aimerais que vous parliez et qui s'appelle « Salut à la France ». Ça n'est pas tout à fait un film, c'est un ouvrage utilitaire. Avant le débarquement des troupes américaines en Normandie, le gouvernement américain avait décidé de fabriquer ce petit film pour donner quelques renseignements sur la France, sur les gens qu'ils allaient rencontrer, aux soldats américains qui allaient débarquer sur les plages de Normandie. Remarquez que le moment de ce débarquement était tenu secret et, en général, on pensait qu'il aurait lieu beaucoup plus tard. C'est la raison pour laquelle mon petit film n'a pas été prêt pour le débarquement et, naturellement, je le regrette. Dans ce petit film, on m'avait demandé d'expliquer aux soldats américains que la France n'était pas un pays très différent des autres pays, qu'il ne fallait pas croire que dès qu'on était dans une rue de France, le vin coulait à flot, qu'il ne fallait pas croire que tous les Français portaient la barbe, ou plutôt la barbiche, et qu'il ne fallait pas croire que toutes les femmes françaises étaient faciles, et qu'il ne fallait pas croire que, mon Dieu, si l'on s'approchait de trop près d'une épouse française, le mari ne se fâcherait pas. Bref, on expliquait aussi que le pain français était très bon et qu'on pouvait en manger beaucoup. On expliquait aussi que la nourriture française était la meilleure du monde. Et on expliquait que la famille française ressemblait à toutes les familles. Et on expliquait aux soldats américains que s'ils rencontraient une vieille dame française dans la rue, eh bien, il fallait l'aborder avec beaucoup d'affection, un peu comme s'ils avaient abordé leur propre maman. Quels acteurs interprétaient ce film ? Eh bien, Beaucoup d'acteurs bénévoles, évidemment. N'est-ce pas? Annabella a bien voulu dire quelques mots. Claude Dauphin a joué un rôle important. Et mon ami Burgess Meredith, n'est-ce pas, aussi, a joué dans ce film. Et il a contribué d'ailleurs, même d'une façon absolument active. Il a aidé à le produire, à le mettre en scène. Remarquez, il s'agissait d'un petit travail de collaboration destiné tout simplement à... Enfin, avec un but d'information. Comment vit Burgess Meredith ? Burgess Meredith, que je n'ai pas vu hélas depuis longtemps, parce que c'est un homme absolument délicieux, lorsque je l'ai bien connu à New York, il habitait une ferme des environs de New York. Lorsqu'il venait à New York pour travailler, eh bien, il habitait à l'hôtel. Mais enfin, son domicile réel était une ferme, et une ferme qui est située dans un endroit très beau. Un endroit de montagne, des montagnes couvertes de chênes, et un pays assez sauvage. La ville la plus voisine s'appelle Suffern, en l'honneur de Suffren, notre bailli, qui, je crois, autrefois, a campé dans cet endroit, et ses tentes y étaient restées, avaient été remplacées par des baraquements, et puis peu à peu, c'est devenu une ville, qui s'appelle Suffren, et qui est une assez grande ville. Maintenant, c'est même une ville légèrement industrielle. Ce qui est intéressant dans la région, c'est qu'il reste des montagnes assez sauvages. Je pense que, de même que pour la Géorgie dont je vous ai parlé, ce que je vais vous dire maintenant n'existe plus, car la guerre et l'industrialisation à outrance de l'Amérique, n'est-ce pas l'obligation d'envoyer des canons et des musiciens au monde entier, a transformé les endroits les plus sauvages. Mais en 1940, comment vivaient les habitants de Suffern, que nous prononcerions Suffren, qui est à 75 km, je crois, de New York, à peu près. Oui, à peu près 75 km de New York. Les habitants de Suffren vivaient normalement. Ils vivaient comme les habitants de toutes les villes américaines. Ils allaient travailler, n'est-ce pas, dans la journée, et puis ils vivaient en famille le soir. Mais ce qui est intéressant, c'était la vie dans les montagnes qui avoisinent Suffren, les montagnes qui sont à 10 ou 15 km au plus de Suffren. Ce sont des montagnes assez hautes. Et ces montagnes étaient encore habitées par une population étrange. C'étaient les descendants d'un régiment français cerné par les Anglais pendant la guerre de libération de l'Amérique. Et ces Français, réfugiés dans la montagne, s'étaient mélangés aux tribus indiennes du cru et avaient fait souche. Et on prétend que les habitants encore assez sauvages, ou plutôt qui étaient encore assez sauvages il y a 15 ans, au moment où se situe mon histoire, étaient des descendants de ces Français et de ces Indiens. Ils descendaient de temps en temps en ville pour vendre du gibier qu'ils avaient tué, ou bien des salades, ou bien enfin des fraises des bois. Voyez-vous, ils me rappellent un peu les clochards que l'on rencontre dans la forêt de Fontainebleau et que j'ai un peu décrit dans ma pièce Orvet. Eh bien, ce sont des gens un peu de ce genre-là. Et ces gens refusaient encore à cette époque-là toute ingérence des pouvoirs publics dans leur vie. Naturellement, ils ne payaient pas l'impôt, mais ils se mariaient à leur manière, entre eux, avaient leur culte religieux, entre eux, vivaient d'une façon que l'on ignore, entre eux. C'était absolument une petite colonie de troglodytes perdus au milieu de l'immense monde américain. Il est tout de même assez étonnant pour nous, Français, de penser qu'à une distance de New York qui est comparable à ce qu'est la distance de la vallée de Chevreuse de Paris, les populations vivent de cette façon, ou vivaient encore il y a 15 ans. Et si nous pouvons tirer un petit résumé de cette série d'entretiens, il me semble m'apercevoir que les Américains vivent beaucoup moins dans les villes qu'on ne peut croire, qu'ils ont le goût de la campagne et du jardinage, qu'ils ne parlent pas des exploits des vedettes ou des champions sportifs, mais plutôt des graines et des rosiers. Et je pense que vous pourriez peut-être nous raconter l'histoire du monsieur de vos amis qui possédait une mine d'or. Ah oui, oui, oui, bien sûr, c'est mon ami Peck, Sedley Peck. Ça n'est pas un parent de l'acteur, Gregory Peck. Et Sedley Peck est le descendant d'une vieille famille californienne, et son arrière-arrière-grand-père avait découvert la première mine d'or du sud, de la Californie du Sud. Et depuis, la famille a eu, mon Dieu, n'a pas pu garder tous les terrains qu'il possédait, c'était avant tout des agriculteurs, de sorte que mon ami Sedley s'est retiré sur la propriété la plus ancienne de sa famille, celle qui lui reste, et c'est précisément la mine d'or des origines. Maintenant, comme c'est un sage, il a décidé de ne pas exploiter la mine d'or. Et au lieu de l'exploiter, il en a muré l'entrée. Remarquez que de temps en temps, des enfants des écoles viennent voir cette mine, parce que c'est une sorte de musée. C'est une mine très ancienne. Il reste encore d'ailleurs les tamis pour passer le sable contenant de l'or et tirer de la rivière. D'ailleurs, de temps en temps, on peut trouver de l'or dans la mine. Seulement, c'est assez dangereux d'y rentrer, parce que c'est un terrain qui s'éboule et elle est mal étayée. Mais vous savez ce que fait Cède Lepec lorsqu'il a une visite avec des gens extrêmement graves, une commission scientifique qui vient voir une des premières mines d'or de Californie. Très vite, il prend des cailloux et il les peint avec la peinture dorée et puis il en jette comme ça quelques-uns dans la mine. Eh bien, il ne les retrouve jamais. Les gens sont tellement ravis parce que c'est assez curieux. L'homme le plus honnête pense que ce que l'on trouve dans la terre, c'est pour soi, c'est une trouvaille. Quoi qu'il en soit, Peck, lui, est beaucoup trop sage pour chercher de l'or. De temps en temps, il trouve un petit... On appelle ça un nugget, vous savez. Une pépite, n'est-ce pas? Et alors, il en a comme ça quelques-unes qu'il garde, mais enfin, c'est uniquement pour s'amuser. Non, il a fait quelque chose de plus sage. Sur la surface de la mine, il a planté des oliviers, de la vigne, pas d'oranger, parce que c'est dans la montagne qui fait froid. C'est à peu près à 70 km de Los Angeles. C'est au bord d'une petite rivière qui s'appelle Saint-Gabriel. Il y a des truites, on les pêche. Et, mon Dieu, il vit une vie de sage, assez loin des fumées de la ville. Maintenant, la vallée se garnit. Parce que, évidemment, la population augmente et qu'on va partout, même dans les montagnes. Mais il y a encore une dizaine d'années, la première maison habitée et le premier téléphone étaient tout de même à 15 km de chez lui. Jean Renoir, je voudrais vous remercier pour tous nos auditeurs de nous avoir permis de voyager avec vous en Amérique, avec vous, avec vos amis Saint-Exupéry, William Faulkner, Gabriel, Darius Milhaud, et bien d'autres, aussi célèbres ou obscurs, mais qui sont chers à votre cœur. J'espère que vous nous permettrez un jour de vous accompagner en Inde, de vous accompagner en Italie. Mais avant de conclure cette série de rencontres, de voyages, j'aimerais que vous nous disiez un petit résumé de vos impressions américaines. Bon, écoutez, avec joie, mes impressions américaines sont évidemment multiples. Et les quelques mots que nous venons d'échanger maintenant donnent une idée forcément imparfaite et de la vérité, voire même de ma pensée. Je me rends compte, par exemple, que j'ai terriblement insisté sur l'amour de la banlieue, l'amour de la cabane à lapins, l'amour des jardins des Américains. J'ai trop insisté parce que j'ai eu l'air de prétendre que c'est un fait seulement américain, alors que je constate exactement la même chose ici. Ce que je retiens de mes différents séjours en Amérique, c'est que l'Amérique est avant tout une sorte de club d'Européens mécontents. L'Amérique est faite de mineurs de Silésie qui étaient martyrisés par leur maître germanique, de Polonais qui étaient martyrisés par leur maître russe, de doukhobor russe, comme je vous l'ai expliqué, qui était martyrisé par l'église officielle, d'italiens qui n'avaient pas suffisamment à manger dans leur Sicile natale. Bref, l'Amérique est faite de gens qui sont allés là-bas pour trouver un sort meilleur et qui, en général, l'y ont trouvé. C'est la raison pour laquelle, si l'on regarde l'Amérique avec des yeux d'hommes riches, d'hommes comblés, d'homme qui a chez soi une salle de bain, une automobile dans son garage, eh bien évidemment, l'Amérique n'étonne pas. L'Amérique n'étonne pas puisque l'homme en question a tout cela chez lui, en Italie ou en France. Il a même plus. Il a la possibilité de se faire servir, ce qui est assez difficile en Amérique, et personnellement, j'aime mieux ça. Je trouve que se faire servir est un peu humiliant, pour celui qui sert comme pour celui qui est servi. Quoi qu'il en soit, l'Amérique est composée de gens qui ont l'impression d'avoir conquis une vie un petit peu meilleure, de gens très simples, de gens qui sont heureux parce qu'ils ont acheté une plus belle automobile, par exemple. C'est extrêmement naïf. Il est évident qu'il serait peut-être plus intéressant de créer un monde dans lequel on serait satisfait d'avoir découvert une vérité philosophique de plus. Mais ça, nous n'y sommes pas encore. Nous y serons peut-être un jour. Je crois que les Américains et les Français se ressemblent beaucoup. Pour une raison très simple. C'est que la France, pendant des siècles, a été le but de tous les émigrés du monde. Les gens qui n'étaient pas heureux en Pologne ou en Russie venaient en France. Et dans notre sang français, nous avons beaucoup de mélanges. Nous sommes le résultat d'une espèce de malaxage de tout le reste de l'Europe, mécontente. L'Amérique a commencé avec les bateaux à vapeur. Quand il y a eu des bateaux à vapeur, ça a été plus facile de traverser l'Atlantique et les émigrés sont allés plus loin. Mais nous continuons à en accueillir des quantités et c'est la raison pour laquelle nos problèmes et ceux des Américains, nos joies et les joies des Américains se ressemblent beaucoup. Merci Jean-Renoir. C'était « Voyage et rencontre de Jean Renoir ». Entretien promenade entre Jean Renoir et Hélène Tourdaire. Aujourd'hui, les États-Unis. Réalisation Gérard Herzog. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 24 juin 1960. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des news. Branches green along a stream that runs to sea. Listen to my plea. Listen, willow, and weep for me. Gone my lover's dream, lovely summer dream. Gone and left me here to weep my tears into the stream. Sad as I can be, hear me, willow, and weep for me. Whisper to the wind and say that love has sinned to leave my heart a-breaking and making a moan. Murmur to the night to hide her starry light, so none will find me sighing and crying all alone. Oh, weeping willow tree, weep in sympathy. Bend your branches down along the ground and cover me when the shadows fall. Down along the ground. ground and cover me when the shadows fall. Bend, oh willow, and weep for me.